quand personne ne peut faire. Sauve-toi pour dire ce quand personne ne peut dire. Sauve-toi pour changer n'importe quelle situation. Sauve-toi et capable, Jésus, sauve-toi. See you.